Alphonse Kugima, nation a mise en onde de cette grande édition de la mi-journée sur Isanganiro, votre station préférée mettant depuis Bujumbura. Bonjour et bienvenue. D'abord, les grands titres. Crise au sein du parti Sahonia Prodebu. Le président du parti est accusé d'abus de pouvoir par le comité exécutif de cette formation politique qui demande la convocation d'une réunion du conseil des délégués nationaux pour statuer sur ces accusations. Et les poubelles qui ont été nouvellement installées en commune urbaine de Mukaza ne sont pas utilisées comme il se doit. Le manque de sensibilisation de la population urbaine serait à l'origine de cette situation, estiment les citadins qui se sont confiés à nos reporters. Dans la chronique sportive, comme à l'accoutumée, tout la lundi, aujourd'hui, l'on va vous parler du terrain de Goalball et en international. Les Ghanéens sont appelés aux urnes ce lundi pour les présidentielles au Ghana, un pays considéré comme modèle démocratique en Afrique. Voilà pour l'essentiel. Isanganiro, la radio de l'avenir. Rebonjour. Le syndicat des enseignants professionnels de l'éducation CPEDUC déplore l'implication des organes extérieurs aux syndicats en collaboration avec la coalition syndicale Ecosesona dans sa déstabilisation. L'affirmation du président du syndicat CPEDUC lors d'une conférence de presse animée ce vendredi, Gérard Niongabo, a expliqué que le syndicat dont il est responsable a été même écarté dans la retraite sur la politique salariale qui s'est déroulée dans la province de Gitega. Suivi. Le syndicat CPEDUC déplore l'implication des organes extérieurs au syndicat dans sa déstabilisation. Ces organes sont en collaboration avec les leaders de la Cosesona qui, de par des actes posés du jour au jour, ont tendance à remplacer ou dominer les pouvoirs publics. Ainsi, le pilotage de la politique salariale en cours est taillé sur mesure au profit des intérêts individuels. L'équipe gouvernementale a exclu tous les autres syndicats à l'exception de ceux coalisés au sein de la Cosesona, en violation de la Constitution, du statut général des fonctionnaires et des conventions 87, 98 et 135 en matière de liberté syndicale et négociation collective. Le syndicat CPEDUC communique aux enseignants, en particulier et aux fonctionnaires en général, que les consultations de Gitega entre la Cosesona et la délégation du gouvernement ne concernent qu'une partie car la Cosesona est sous la direction d'un représentant du gouvernement en conseil du ministre. La détermination du salaire théorique s'écarte énormément de la logique du travail décent. Il faudra d'abord bien définir le salaire minimum interprofessionnel garanti SMIC pour chaque emploi et par après déterminer la part indiciaire et la part emploi de façon à s'adapter au SMIC et dans des proportions qui rassurent l'équité salariale. Le syndicat CPEDUC considère d'ailleurs, en compromis avec l'étude du consultant, que la part indiciaire doit avoir une place importante pour rassurer la valeur des diplômes. C'était le président du syndicat CPEDUC, Gérard Niongabo, sur ses accusations du syndicat, de son syndicat CPEDUC. Donc, contre la Cosesona, Victor Ndabaniwe, président de cette coalition des syndicats des enseignants, a promis de s'exprimer dans nos éditions ultérieures. Politique à présent, certains membres du comité exécutif et du parti Sahonia Prodebu accusent le président de cette formation politique d'abus de pouvoir. Dans une note d'accusation de ce vendredi, 9 signataires sur 15 membres de ce comité demandent au conseil de régulation de convoquer dans les meilleurs délais le conseil des délégués nationaux pour une réunion qui va donc statuer sur cette question. Le moment montre que l'élément n'est pas prêt. Aussitôt qu'il est prêt, on va le balancer, mais contacter pour qu'il puisse réagir sur ces allégations. Le président du parti Sahonia Prodebu, Pierre Claver Naïman, a promis à la rédaction de la radio Isanganiro de s'exprimer dans nos éditions ultérieures. Et tant qu'on parle de politique, mais cette fois-ci politique au Ghana, les Ghanéens se rendent aux urnes ce lundi 7 décembre pour les présidentielles. Les 12 candidats sont en lice, mais la carte se joue entre l'actuel président ghanéen, Nana Akufo-Addo, du nouveau parti patriotique, NPP, et John Dramani Mahama, du Congrès national démocratique, NDC, et ancien président de ce pays. Cette présidentielle oppose les deux hommes pour la troisième fois. Pays d'Afrique occidentale est considéré comme modèle de démocratie et de stabilité. Les deux hommes ont signé vendredi un acte de paix s'engageant à ne pas perturber les élections et l'issue des urnes de Mireille Kanyang. Cette présidentielle de ce lundi 7 décembre oppose pour la troisième fois consécutive en 10 ans l'actuel président ghanéen Nana Akufo-Addo, 76 ans, au pouvoir depuis janvier 2017, à John Dramani Mahama, 62 ans, ayant dirigé ce pays de juillet 2012 à janvier 2017. Une dizaine de candidats sont en lice, dont 3 femmes. Plus de 14 millions d'électeurs sont attendus aux urnes dans 38 000 bureaux de vote. L'actuel président et son prédécesseur s'étaient rencontrés aux urnes en 2012, des élections remportées par John Dramani Mahama avec 50,7% des voix, alors que celles de 2016 ont été remportées par l'actuel président avec 53,8% des voix. Pays situé au bord du golfe de Guinée, pays de l'Afrique de l'Ouest, le Ghana a comme capitale Accra. Ce pays a été dirigé par 5 présidents en 30 ans, ayant même légué le pouvoir à l'opposition à 3 reprises. Le Ghana a une population chiffrée à 29 millions selon la Banque mondiale. Il est considéré comme exemple de démocratie et de stabilité en Afrique. Entre autres dirigeants ayant présidé aux destinées de ce pays, figurent Kwame Nkrumah, père de l'indépendance, et Jerry Rawlings pendant près de 20 ans, icône qui vient de tirer sa révérence à 73 ans, c'était le 12 novembre de cette année. En vue d'une élection apaisée, le président sortant Nana Akufo-Addo et John Dramani Mahama, opposants et prédécesseurs, ont signé vendredi un pacte de paix à Accra, s'engageant ainsi à ne pas promouvoir la violence lors du vote de ce lundi et à la proclamation des résultats. Merci Mireille Kanyang. Après une courte pause, on revient sur l'élément en rapport avec Sawanya Frodebou. Captez Isanganiro, écoutez la différence. La différence, vous pouvez la capter sur Isanganiro via le www.isanganiro.org. Je vous disais tout à l'heure que certains membres du comité exécutif du parti Sawanya Frodebou accusaient le président de cette formation politique d'abus de pouvoir. Dans une note d'accusation ce vendredi, 9 signataires sur 15 membres de ce comité demandent au conseil de régulation de convoquer dans les meilleurs délais le conseil des délégués nationaux pour une réunion qui va statuer sur cette question. Lydie Kahimbare pour plus de détails. Dans cette note de 5 pages, 9 signataires accusent le président du parti Sawanya Frodebou, Pierre Clavin Nahimana, de bafouer les valeurs fondamentales du parti. Il donne l'exemple que pendant les élections de 2020, Pierre Nahimana, le président du parti, a empêché la candidature au poste du président, Laurence Nguendakumana, le vice-président du parti Sawanya Frodebou. Pourtant, selon eux, le prétendant remplissait toutes les conditions requises par les règles du parti et la République. Les membres du comité exécutif accusent également le président que lors des élections des sénateurs et des administrateurs communaux, qu'il a personnellement contacté les responsables du parti, dont certaines fédérations qui avaient obtenu des représentants aux conseillers communaux de voter les candidats du parti au pouvoir. Ils disent que les effets de ce comportement non négocié et incompatible avec la position du parti politique se font sentir aujourd'hui. Il donne l'exemple qu'un bon nombre de responsables communaux démissionnent. Le comité exécutif accuse également Pierre Clavin Nahimana de ne pas consulter tous les collègues de la direction du parti pour le choix des personnes à présenter pour quelques places du gouvernement, qui qualifie cela comme abus du pouvoir. Ils ont remarqué également qu'après la période électorale, une absence quasi totale d'action du part du président pour renforcer les Inzilaguemuka tombés dans la torpeur suite au niveau de la défaite subie par le parti dans trois scrutins présidentiels, législatifs et communaux. Lydie Gahimba est contactée pour qu'il puisse réagir sur ces allégations. Lydie, le président du parti Sawanya Frodebo, Pierre Claver Nahimana, a promis à la rédaction de la radio Isanganiro de s'exprimer dans nos éditions ultérieures. Et en RDC, le président Félix Tshisekedi a prononcé ce dimanche 6 décembre une allocution d'une trentaine de minutes pour livrer le bilan des consultations nationales du mois de novembre, a annoncé les décisions qui en découlent, la principale mesure étant la fin de la coalition gouvernementale composée avec le FCC de Joseph Kabila. Selon le président Tshisekedi, cette coalition ne lui a pas permis de mettre en œuvre son programme et de répondre aux attentes des Congolais. Il a également parlé d'une situation de crise persistante et d'un blocage parlementaire, selon la Radio France Internationale. Pour cela, il nommera donc un informateur chargé d'identifier une nouvelle coalition gouvernementale possible au sein des députés. La Constitution qui prévoit cette possibilité précise que la mission d'information a une durée de 30 jours renouvelable une fois tout de suite. Chronique sportive. Radio Isanganiro, chronique sport. Un terrain de goalball destiné à la catégorie des personnes malvoyantes et aveugles est semblable à celui du volleyball classique. L'explication du directeur technique adjoint du comité national olympique Cassien Bizabigomba fait savoir que ce terrain a 18 mètres de longueur et 9 mètres de largeur, tout en précisant qu'au milieu de ce terrain se trouve une partie qu'on appelle zone neutre. Les détails dans cette chronique sportive de Marie-Claire Katenet. Un terrain de goalball est semblable à celui de volleyball classique avec les dimensions de 18 mètres de longueur et 9 mètres de largeur. C'est l'explication de Cassien Bizabigomba, directeur technique adjoint du comité national para-olympique. Le terrain de jeu, c'est le terrain de volleyball classique, c'est-à-dire un terrain de 18 mètres de longueur et 9 mètres de large. Et aussi, ce terrain est subdivisé en 6 parties. Il précise que ce terrain compte une ligne centrale dans laquelle sont implantés les poteaux qui supportent les filets. Comme vous le savez, la ligne centrale du terrain de volleyball classique est celui dans lequel est implanté les poteaux qui supportent le filet. C'est par là que je peux dire que d'une côté et d'une autre, on compte 3 parties qui sont égales. 3 parties de 3 mètres pour avoir 9 mètres et de l'autre côté, 3 parties de 3 mètres pour avoir aussi 9 mètres. La partie qui supporte la ligne d'attaque dans le volleyball classique, c'est là la zone où les 3 joueurs se détiennent. Donc les 3 joueurs occupent cette zone de 3 mètres sur 9. Et c'est par là qu'ils défendent leur zone ou bien leur goal. Selon toujours ce directeur technique adjoint du comité national paralympique, cette ligne centrale sépare les espaces qu'on appelle zone neutre. Donc à partir de la ligne centrale du volley classique, on peut faire la zone de 3 mètres vers un côté et de l'autre côté. Donc les deux zones d'attaque qui sont divisées par la ligne centrale du volley classique, ce sont les deux zones qu'on appelle les zones neutres. Il est strictement interdit que le ballon passe par-dessus cette zone sans toucher la zone. Cassien Bizabigomba précise qu'un joueur qui dépasse cette zone neutre lors de la compétition est sanctionné par une pénalité. Merci Marie-Claire Kazeneza. Revenons sur d'autres éléments et je vous avais dit en titre que les poubelles publiques récemment installées en commune de Mokaza de la mairie de Bujumbura ne sont pas utilisées à certains endroits. Nos reporters qui ont fait le tour de ce lundi dans cette commune urbaine ont constaté que certaines poubelles contiennent des déchets tandis que d'autres sont vides. Les personnes qui se sont entretenues avec notre station déplorent cette situation et demandent que les citadins soient sensibilisés davantage. Reportage signé Omer Ndouayou. La poubelle placée devant les locaux de la zone Buyenzi, comme celle qui est au milieu de l'autoroute Peuple Morundi, devant l'église Pentecôte, sont vides. Mais celle qui est en bas du pont suspendu sur le boulevard d'Oliprona, tout comme la poubelle implantée devant la galerie Elite, près des locaux d'Ibafi de Dido, sont presque pleines d'immondices. Les sortes d'immondices jetées dans ces poubelles sont, par exemple, les bouteilles en plastique, des cartons, des papiers mouchoirs et autres. Les personnes qu'on y rencontre contre, pense que le défi est jusqu'ici l'ignorance de l'existence de ces poubelles dans différents coins. C'est visible que la population n'est pas vraiment informée. Raison pour laquelle, puisque la population n'est pas informée, il faut qu'on les informe afin qu'ils soient au courant. Une simple raison est que si on analyse, on voit que la population ne s'est pas informée. Raison pour laquelle on n'a pas mis des déchets comme il fallait, bien comme celui qui a amené le projet le prévoyait. Il demande la sensibilisation sur l'usage et l'importance de ces dernières. Il faut sensibiliser tout d'abord à la population locale pour qu'ils comprennent le rôle des objets qui servent à la protection de l'environnement ou bien l'environnement qui l'entoure. Que ce soit les objets, il faut tout d'abord mener une sensibilisation à la population pour qu'ils comprennent le rôle des objets qui l'entourent bien, la protection de l'environnement en général. Mon appel est tout simplement de dire à la population de ne pas vraiment détruire les biens publics, les biens communs. Parce que si on détruit les biens communs, nous risquons vraiment de tomber donc en flagrant délit. Par exemple, si on détruit un bien public comme ça, c'est donc un impact négatif pour notre vie. Ces poubelles ont été implantées dans différents coins de la commune Mukaza le 12 novembre cette année, dans le but de faciliter la gestion d'immondices. Merci Omer Ndouaye. C'est la fin de cette édition, mais avant de nous séparer, je vous rappelle cette crise au sein du parti Sawanya Prodebo. Le président du parti est accusé d'abus de pouvoir par le comité exécutif de cette formation politique et qui demande la convocation d'une réunion du conseil des délégués nationaux pour statuer sur ces accusations. Et des poubelles qui ont été nouvellement installées, vous venez de l'entendre, en commune urbaine de Mukaza, ne sont pas utilisés comme il se doit. Le manque de sensibilisation de la population urbaine serait à l'origine de cette situation, estiment les citadins qui se sont confiés à nos reporters. Et dans la chronique sportive, l'on vous a parlé du terrain de goalball. Et en international, vous avez entendu que les Ghanaiens sont appelés aux urnes ce lundi pour les présidentielles au Ghana, un pays considéré comme modèle démocratique en Afrique. Point final à cette édition. À vous tous qui l'avez suivi, je vous remercie. Je dis également merci à Alphonse Koubguimana qui l'a mise en nom d'Eli Nibel Nibigil a jeté à sa présentation. Je vous souhaite de passer un excellent après-midi. Bon appétit si vous êtes à table. Au revoir.